station rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial This Is. C'est parti pour le Planète Rap et une nouvelle semaine avec This Is. Comment va? Très très bien. En pleine forme? Très bien, je mange une pomme. Je vois ça, tu es très bio, tu manges une petite pomme après toute cette pollution. Toi aussi, tu deviens bio comme This Is avec sa fleur de lotus. C'est que je fais le Bataclan là, mercredi, qui est complet. Mmh. Et je dois perdre un peu de kilos pour être bien bien affûté sur ça. Ça va là? Ouais, ça va là. Et là, donc, ça va. En fait, tous les jours, tu bouffes une pomme, quoi. Non, mais à cette heure-là, c'est l'heure de ma petite collation. C'est l'heure de la petite collation, d'accord. De la petite pomme, c'est normal. C'est ça. Bon, comment ça va, This Is? Eh ben, super bien. Hein. Est-ce comme que tu dit, es bah, heureux? Bah, je suis trop heureux, je suis trop content. Mon album est sorti. Ça se passe très bien. Il y a des gens qui aimaient pas avant, qui aiment bien maintenant. Hein. Bah, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Non, mais pour de vrai, je déconne, mais c'est vrai, en fait. Et, mais t'aimais pas quoi avant? Bah, je sais pas, il calculait pas, ou il voulait que This Is qui rappe et qui fait gaulerie et tout. Voilà, mais This Is le comique, fais-nous un sketch, fais-nous une blague. En plus, c'est bête parce que dans le disque, il y a des morceaux qui font gaulerie aussi, bah comme Kamikaze, tout ça. Ouais. Donc, voilà. Bah, on va débuter avec dans un instant. Cool. On va revenir sur cette trilogie aussi ce soir, hein, puisque c'est une trilogie, Translucide, qui est sortie là, il y a quelques jours. C'est ça. La semaine dernière? Il est sorti, non, il y a deux semaines. Il y a deux semaines déjà, oui, 4 mars. Ouais. Ah, ça va vite, on est déjà le 17, mine de rien. Eh oui. Ah, ça va très vite. Bon, on va revenir aussi sur ton parcours d'ici, si tu veux bien. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On fait tout ça dans un instant, mais d'abord le morceau? D'accord, le morceau. Ah, allez, mettons le morceau tout de suite. Kamikaze, gros son, et en concert, c'est fou. Voilà, c'est fou, fou, fou. Et quand on entend ce son, faut faire vraiment le fou chez soi. C'est-à-dire que là, on fait quoi? On pousse les meubles? Ouais, enfin, on fait des trucs de ouf qu'on fait jamais d'habitude. On jette les meubles par la fenêtre? Non, bah non, ça c'est... Non, dis donc. Non, on danse dans son salon comme un gros narbi, on fait de l'autodance. Et si on est en bagnole? On danse dans sa voiture, on ouvre la vitre, on fait des grimaces à côté, okay. On balance des crottes de nez, je pense. Bon, à Paris, ceux qui sont avec les immatriculations impaires, vous pouvez y aller, les autres. Ou alors on prend sa voiture. Voilà, c'est ça un truc de dingue. Voilà. Ah ouais, vous avez une voiture immatriculée paire, vous y allez, vous foncez. Mais par contre, tu peux te prendre une amende, par contre. 22 euros. Ah, ça, c'est relou. Bah, c'est le prix du bonheur. Mais en même temps, attends, on n'a pas pensé, si tout le monde le fait, il n'y aura pas assez de policiers pour mettre des amendes à tout le monde. C'est bien, c'est. Non, mais tu vois, moi je pense toujours, j'ai un peu un esprit de révolte, comme tu sais. Ouais, je sais que t'es un grand révolté au fond de toi. Bon, This Is avec nous toute la semaine, c'est parti. Ouais, ok, vas-y, allez. Non, tu voulais ajouter autre chose? Non, pas du tout. Ok, coup d'envoi avec Kamikaze? C'est parti. Allez, faites les dingues. Jusqu'à 21h, c'est Planète Rap, l'émission rap de référence. En premier sur Skyrock. Ce soir, Planète Rap spécial This Is. Je pense qu'à la fin de ce morceau, ce sera du grand n'importe quoi. Un nouveau morceau, nouveau flow. Je vais te le casser, te faut un nouveau dos. Un nouvel album, un nouveau logo. Tu veux que ça parte en pogo, j'ai tout ce qu'il faut. Saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, encore. Saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, couplet. Tu dis que ton patron, c'est un fils de lâche. Il fait faire des choses que lui ne fait pas. Mais tu sais pas ce qu'ils te cachent, c'est que ses supérieurs ils font faire ce qu'ils font pas. Bureau ou usine, on taffe à la chaîne. Tu tiens à ton boulot, donc tu tiens à tes chaînes. Et toute la semaine, tu contiens ta haine comme un kamikaze, tu sautes tous les week-ends. K-A-M-I-K-A-Z-E. K-A-M-I-K-A-Z-E. Comment ça, tu veux pas danser? Et mon cul, c'est du KFC. Et mon cul, c'est du KFC. Et mon cul, c'est du KFC. Saute pas. Doucement. Saute pas. Eh hey. Saute pas. Du calme, les gars. Non, saute pas. Non. Là, tu sautes pas. Là. Saute pas. Un couplet. T'as envie de te barrer comme un haut danois. Tu veux prendre un billet pour Yokohama. Mais t'hésites depuis Fukushima. T'as pris trop de temps, du coup tu restes chez toi. Comme au McDo, tu veux pas lâcher le steak. Tu t'accroches à ton taf, tu t'accroches à ton chèque. On est des kamikazes, on est tous givrés. On saute en concert pour pas le faire en vrai. Saute. Encore. Saute. Refrain. K-A-M-I-K-A-Z-E. K-A-M-I-K-A-Z-E. Comment ça, t'as pas envie de danser? Et mon cul, KFC. Et mon c'est du KFC. Je suis un peu zinzin. Narbi, Narbi. Narbi, Narbi. Narbi, Narbi. Je suis un peu zinzin. C'est Skyrock et c'est le Planet Rap avec This Is à l'instant. Kamikaze, lui, il a fait des trucs de fou hein, pendant le morceau, je peux vous le dire. Il mangeait une pomme allongée. Des vrais trucs de dingue. Ah ouais, c'est filmé, j'ai oublié. Il y a des images sur skyrock.fm, on t'a vu, t'étais bien. Ouais, mais j'ai mangé ma pomme de manière tellement hardcore. Ah, mais tu vois. C'était, ouais, c'était personne hardcore. Personne mangeait une pomme comme ça. C'est comme ce moi. Que je disais, un truc pour de ça. Dingue avec ta pomme. Vous, qu'est-ce que vous avez fait à la maison, dites-nous. Un petit message 41759. Donc ce morceau, tu disais This Is le comique. Ouais. Bah, il est encore là. Bah, bien sûr. Il est toujours là. Non, ce qui fait chier, c'est qu'à un moment, on voyait que ça. Bah, ouais. J'aurais dû arrêter et faire des one man show ou rentrer au Jamel Comedy Club. Bah, non, les gars. Non, je suis un peu tout ça à la fois. Mais c'est ce que je raconte dans le disque. Mmh. Pourquoi j'ai choisi le lotus? Parce que le lotus, tu vois, c'est une plante qui prend ses racines dans la terre, qui traverse l'eau et qui s'épanouit au ciel. Donc je suis revenu à mes frères. Mais comment t'as su tout ça? Mais c'est quoi, tu sais pas que je lis des bouquins? Ah oui, c'est ça. C'est pas que je suis. C'est pas des cours, c'est pas les restes de cours de biologie et de trucs. Pas du tout. C'est que je suis à la fois le rappeur comique, ouais. Mais aussi le rappeur intello. Qui sort des bouquins aussi d'ailleurs. Voilà. Donc moi, on m'a mis plein d'étiquettes en fait, tu vois. Ouais. Bon, bref. Et donc bah voilà, dans l'album, ça suit cette thématique là. Donc il y a toute la première partie qui est très dark, très sombre, très rap comme je faisais avant. Ouais. Une partie qui est marquée d'ailleurs hein, pour ceux qui veulent reconnaître. Exactement, avec une thématique de couleur, tout. Mmh. Enfin, on a tout travaillé de A à Z comme d'habitude, l'image, le fond, la forme. Et donc au milieu, je disais les sons de l'eau où c'est quelque chose qui passe du lumineux au dark. Et dans le lumineux, des fois il y a des morceaux un peu couillons. Tu vois ce que je veux dire? Un peu pour rigoler. Et comme King of Cool, Kamikaze. C'est voilà. Le cas de Kamikaze. Il y a Fuck les problèmes aussi. Ouais. On a connu qui a été balancé d'ailleurs. Fuck les problèmes. Ouais. Avec de l'image. Ça fait pas mal de clips d'ailleurs. Pas mal d'images. Toujours. Moi, quand j'écris un morceau, je pense tout de suite au clip. À chaque fois, je pense aux images. C'est important. Tu pensais aussi à la scène? Parce que quand on écoute Kamikaze, c'est la scène, ça, non? Ah oui. Et je peux vous garantir que sur scène, là, on est à 7 dates. Et juste sur scène, ce morceau-là, c'est vraiment un truc de dingue. Ouais. Ah, mais vraiment. Mais tu t'éclates. Il y a eu l'Olympia. Moi, je t'avais vu à l'Olympia. C'était un gros carton. Ouais. T'avais pris du plaisir. Ah, de ouf. Il y a eu la tournée aussi qu'elle est avec. Ouais. Et là, donc, c'est vrai qu'il y a le Bataclan, mais c'est blindé. C'est mercredi. C'est complet de complet. Non. Non, mais en plus, c'est pas de l'ambiance à genre. C'est complet. J'ai du succès. C'est vraiment complet, quoi. C'est bondé, blindé. C'est on peut pas. Mais tu peux dire que t'as du succès aussi. C'est bien. Non, mais c'est pas dans son sens. Je dis ça. C'est que. Enfin, bref. Non, en tout cas, c'est complet. Et je suis trop content. Bon. Comme Marseille, c'était complet. Comme Lyon, c'était complet. C'est complet. Voilà. Il y a d'autres prochaines dates aussi. Il y a d'autres... Bah là, il reste Lille. Enfin, il y a d'autres dates. Mais j'aimerais bien que Lille. Bon, il y a déjà beaucoup de places qui ont été prises, mais c'est le 27 mars. Donc tous mes Lillois, s'il vous plaît. Dans 10 jours. Allez-y, parce que la dernière date à Lille, elle était juste folle. Et bah, allez-y. Allez voir D'ici. Tiens, D'ici, tu parlais d'étiquettes. C'est vrai qu'on t'a collé beaucoup d'étiquettes. Ouais. J'aimerais que tu colles une étiquette sur tes albums, moi. Ok. Si on fait un petit peu le parcours de This Is. Tu veux que je sois sérieux ou que je déconne? Ah non, sérieux, déconne ce que tu veux. Ok, d'accord. Si tu devais coller une étiquette au Poisson Rouge, qui était l'album qui était sorti en 2000. Oui. Début des années 2000. Alors, début des années 2000, pardon, je m'autocoupe en fait. Non, c'est pas grave. oui, et ben, le Poisson Rouge, c'est toi. L'étiquette que je mettrais dessus. Ouais, qu'est-ce que tu mettrais dessus? Oh là là, mais je sais pas, débutant, premier album. Non. À réécouter maintenant. C'est juste que le premier album d'un rappeur ou d'un artiste en général, c'est toujours quelque chose de particulier parce que ça résume, on va dire, 10 ans ou enfin là à l'époque j'avais 20 ans, donc 20 ans de vie et 10 ans dans l'underground, tu vois. Et j'ai pas pu te mettre d'étiquette. Je sais pas moi. Non, c'est bien, 20 ans de vie dans l'underground. Voilà. Ou presque. Voilà. Parce que 20 ans, ça veut dire qu'à un an, j'étais déjà dans l'underground, en train de pirate, ça, ghetto, rage. T'étais dans le wood. Ouais. Bon, donc, le deuxième en 2003, jeu de société. Je dirais oh là là, j'aime pas les étiquettes, c'est trop dur pour moi. Je sais pas. Non mais dis un petit mot, un souvenir de cette époque, je sais pas un truc. Eh ben vu que j'avais gagné des sous avec l'album d'avant, j'ai pu m'acheter pas mal de trucs que j'aimais bien et j'aime bien les bouquins, je veux pas m'en cacher. Donc j'ai commencé à me mettre un peu dans la tête, mais pas assez. Donc il y a un côté un peu, il y a une conscience un peu plus politique dans l'album Jeux de société. Donc bouquins quoi à l'époque, ça te rappelle plus les bouquins plus. Ouais, mais bon, si on veut. Ouais, si on veut, faut le dire vite. Un album très personnel aussi que t'avais sorti en 2004, Itinéraire d'un enfant bronzé, enfin qui renouait un peu sur les racines justement. Ouais. Voilà, bah l'étiquette ce serait Sénégal. Sénégal, ouais. Métis franco-sénégalais et bah j'ai voulu raconter un petit peu ma vision des choses par rapport au fait que j'ai pas grandi au Sénégal et le fait d'arriver là-bas, de découvrir une autre culture, une autre façon de voir la vie, tout ça, et ben je voulais l'exprimer, c'est ce que j'ai fait dans l'album Itinéraire d'un enfant bronzé. C'était important de le faire cet album pour toi, à titre personnel, ouais. C'était extrêmement important de bien rééquilibrer les choses. Oui, c'est très très très important. Mais là où avant je dissociais, tu vois, où je faisais bon, alors je fais un album au Sénégal, un album en France. Ce que j'ai réussi avec Translucide, enfin Lucide, Extra Lucide, Translucide, c'est de combiner toutes ces identités et n'en faire qu'une. On va y venir. Okay. Retournons en 2006, les histoires extraordinaires d'un jeune de banlieue. Ouais. Bah là, c'est storytelling. Voilà, comme ça, c'est simple. Étiquette storytelling. Ouais, parce que je commençais à faire du cinéma, je commençais à justement avoir dans l'idée vraiment d'écrire un bouquin, donc les mécanismes pour raconter une histoire. Et vu que j'avais compris quelques trucs que j'avais déjà compris avant avec Je pète les plombs, mais là, je l'avais pas fait exprès, Je pète les plombs. Donc là, je commençais à bien maîtriser l'art du storytelling, ce que fait, je sais pas moi, Slick Rick aux États-Unis pour ceux qui connaissent. 2009, The End. Ah oui, non. This is the end. Là, je dirais que c'est... Je dirais que l'étiquette que je mettrais serait belle amertume. Voilà, j'étais amer, j'étais aigri sur. T'étais pas bien à cette époque, hein. Non, j'étais pas bien du tout. T'étais pas bien du tout. Mais même quand j'étais pas bien, j'ai réussi à faire un disque que pas mal de gens disent que c'est mon meilleur disque. Vous faites chier, les gars. C'est quoi? Quand je suis pas bien, vous dites que je fais le meilleur disque. Mais non. Mais c'est vrai que quand je réécoute, c'est un très bon. Non, mais il y avait album de Pleura, quand même. Saturation, quoi. Ouais. Un burn-out, ce que je raconte aussi dans l'album Transsuicide. Bon, arrivera donc en 2010 un espèce de renouveau, un besoin de renouveau. Ouais. Et un projet qui s'appelle Peter. Punk. Enfin, dans le vent du crocodile. Ouais, dans le vent du crocodile. Sous le pseudonyme Peter Punk. Peter Punk. L'étiquette, là, je dirais que c'est brouillage de piste. Voilà, je voulais tout brouiller, repartir à zéro et m'aventurer dans des lieux où, en tant que rappeur, on n'a pas le droit d'aller. Et comme peut-être l'album, justement, autour du Sénégal, autour de tes racines, j'ai l'impression que celui-ci t'a fait aussi vachement de bien. Ouais. Celui-ci, voilà, pour, je sais pas, un autre regard, une autre vision. Ouais, puis autre écoute de morceaux, de musique, de musicalité. C'est ça. Et le fait de m'affranchir de certains codes, le fait d'oser chanter dans cet album-là, c'est ce qui m'a permis de trouver mon propre son dans ce que j'ai proposé après Lucide, Extra Lucide et Translucide. Et bah oui, parce que nous sommes déjà en 2012 et sortira en premier missile envoyé, c'était Lucide, ouais. Extra Lucide. Et désormais, depuis quelques jours, Translucide. Voilà, c'était une trilogie annoncée donc il y a 2 ans où je disais que je reviens au rap. Et je suis revenu avec un titre qui s'appelle Moïse. Et voilà, et ça a annoncé donc une trilogie Extra Lucide et Translucide. Qu'est-ce que ça a apporté justement de cette trilogie, même toi à titre personnel, le fait de revenir dans cette compétition, dans le rap, de refaire des morceaux un peu comme on te connaissait aussi d'ici, voilà, des morceaux où il peut y avoir du fond et en même temps un peu délire aussi. Ouais. Bah en fait, tout ce qu'on a raconté là, tous les albums donc qu'on vient de citer, il y a eu plein de tentatives, plein d'essais pour trouver ma propre zone de confort, si on peut dire, jusqu'à passer par le fait d'arrêter parce que j'arrivais pas à trouver. Et le fait d'arrêter de me mettre sur la touche, j'ai récupéré de la lucidité, comme on dit, c'est-à-dire que j'ai pu réfléchir bien sur mon truc, tu vois, et c'est ce que j'explique dans Lucide, Extra Lucide, Translucide. Et bon, on va le découvrir toute la semaine, cet album. Il y aura du live, il y a un gros live de prévu ce soir. D'ici, je tiens à dire que je suis fasciné parce que il y a des musiciens dans tous les sens dans le studio. Ah oui, je suis venu avec mes musiciens, on va faire les titres en live avec la pêche. Voilà quoi. Et bah c'est à pas louper. Il y aura une bonne dizaine de minutes de live tout à l'heure en fin d'émission avec DC's. Et là j'aimerais qu'on mette un morceau. Pareil, un morceau qui me paraît important de cette trilogie, notamment du dernier album de Translucide. C'est un morceau qui s'appelle Complexité française. C'est ça. Il y a les images qui viennent d'arriver aussi. Le clip, il est sorti. Ouais. Vous pouvez le retrouver sur internet. On peut voir les images. Un petit mot sur le Complexité française, c'est quoi? C'est l'air du temps? C'est non. Comment il est né celui-ci? Comment il est arrivé? Bah il est arrivé dans le sens où je me suis souvent posé des questions sur mais t'es qui? T'es quoi? T'es noir? T'es blanc? Tout ça. Alors je l'ai exprimé de manière un peu happy avec Yannick Noah dans le morceau Métis. Dans le premier album il y avait un morceau donc dans Passant Rouge qui s'appelait J'irai cracher sur vos tombes où c'est exprimé de manière beaucoup plus sombre. Et puis après il y a eu le débat sur l'identité nationale, toutes ces choses là. C'est pour ça que je te dis l'air du temps, c'est là-dessus, c'est sur c'est, ce climat. C'est voilà, sur, c'est un peu ça, ce climat-là. Et bah, je me suis affranchi de tout ça aujourd'hui à 30 ans. Et c'est ce que je raconte dans Complexité française. Plutôt que de choisir un camp, j'explique que je suis complexe, en gros. Et je pense qu'on est beaucoup comme ça. Et ça, j'en ai bien peur. C'est pas qu'une question noire, de rebeu, de blanc, non, de tout. Non. C'est qu'on a différentes origines, différents trucs, différents. Et puis c'est à la recherche de, voilà, de ce qu'il y a au fond, quoi. C'est voilà. Un petit peu. C'est ça. C'est on l'écoute ça. Yes. On écoute la version album. En entier. En entier. Tu as insisté, Fred. C'est là. Oui, j'ai insisté parce que je trouve que c'est un morceau important de cette trilogie. Cool. Et il y a une version qu'on vous passera certainement dans la semaine, une version ce qu'on appelle Edit, donc un peu plus court. Mais voilà, en tout cas, là, c'est la version de l'album, la version longue, la version de 6 minutes 11 et 51 centièmes, pour être précis. Complexité française, morceau de DC's. Réaction, allez-y, hein, vous balancez tous vos messages à DC's avec le hashtag DC's sur Skyrock. Is out of range, but I don't care. It's all my memories are the bricklayer of the next day. Build my way. Sur mes papiers, y'a écrit français. Mais au quotidien, c'est pas tout à fait vrai. Suis-je un banlieusard ou un citadin? Un provincial ou un parisien? Adolescent pendant les cours, j'évitais les guet-apens. En vacances à Tours, je faisais du cheval chez ma tante. Enfant parfois, je vais dans le sud de la France. Chez une autre tante, je spécifie qu'elle était blanche. Et quand j'y repense, je faisais tâche sur la plage. J'avais le regard des connards, je captais que dalle à cet âge. Et puis Noël en famille dans la plate Picardie. Les yeux qui brillent, le cœur en tachycardie. Les fêtes finies, je retourne à Évry. Train de nuit, rabat, garde, drague des filles. Les cousins et les cousines, les frères du quartier. Les repas en famille, les nuits blanches à la cité. Plus tard, l'Afrique, à chaque fin d'été. Mon identité est non identifiée, hein. J'bois pas de pinard, j'aime le fromage. Si j'ai à moitié français, j'kiffe plus les bouquins que la bagarre. Si j'ai un mec de quartier, j'aime Mohamed, Moïse et Jésus. Ça j'devrais le nier. J'vais pas me faire plus français que je le suis déjà. J'vais pas m'assimiler. On me regarde chelou parce que je vois pas. C'est comme si je te regardais chelou parce que tu crois pas. Ou que tu portes une croix ou une kippa. Tu veux pas que je force le trait, ne me nie pas. Dans le beau pays de François Pays-Bas. Ce vieux pays qui ne vieillit pas. Regarde ta jeunesse dans les yeux. Cette jeunesse ne baisse plus les yeux. Et je suis ce que je veux. Où je veux, quand je veux. Personne ne me définit. Ni vous, ni eux. Campagne, ville, Afrique, chaque solstice d'été. Mon identité est non identifiée. Sur des dizaines de diapos, j'suis bien plus qu'un papier, bien plus qu'un drapeau. Si t'es certain de ce que t'es, j'te tire mon chapeau. J'me suis échappé de tous vos ghettos. Mon enfance en damier. Sur des dizaines de diapos, j'suis bien plus qu'un papier, bien plus qu'un drapeau. Si t'es certain de ce que t'es, j'te tire mon chapeau. J'me suis échappé de tous vos ghettos. Out of reach, but I don't care. Each of my memories are the big player of the next day. I feel my way, tempête de sable à Nouakchott et New York enneigé. Du soleil à Brooklyn, j'ai vu la jeunesse d'Alger. Dans tous les océans, j'ai nagé. Je pleurais sous la voie lactée, dans le Sahara après avoir bu un thé. Au Mali, un jour de pluie, manger un bon mafé. Un soir à Dakar, j'ai embrassé ma fée. J'ai dansé dans les rues de Londres, au carnaval de Notting Hill. À Niamey, je cherchais de l'ombre. Pour chill and chill, j'ai vu Berlin en automne, j'ai vu Rome en hiver. Manger un tiep à Rufus et des gâteaux au Caire. C'est caché à Ouaga, puis manger l'Ndogou. Plus jeune dans les rues d'Evry, viter les coups de Toku. Des villes, des regrets, j'ai fumé à Genève. Des voyages en soi, des erreurs de jeunesse. J'ai ri à Bruxelles, j'ai pleuré dans Paris. Fais la prière à Marseille avec Saïd la nuit. Dormi au banc d'Arguin, pleuré à Conakry. Concert à Accra, à Praia avec Dave Devry. Avec qui nous chantait, j'ai vu la chapelle Sixtine. Un jour j'irai à Médine. Voilà, ce morceau s'appelle Complexité française. Ouais, j'aime bien. C'est pas mon préféré. Franchement, c'est une grosse tuerie, moi, de ton album, celui-ci. Je trouve ça bien. En plus, ça va un petit peu avec ce qui se passe un petit peu et ce qu'on nous met tout le temps en avant, si tu veux, dans les médias, avec ce côté de division, etc. Voilà, ce recherche des racines, ce petit banlieusard parti d'Evry et qui s'est pointé un peu partout dans le monde entier. Ce que tu racontes sur ce morceau aussi, voilà. Bah oui, grâce au rap, j'ai pu voyager et tout, beaucoup et tout. Mais ce que je raconte au début aussi, c'est que voilà. J'étais en même temps au quartier, avec les réalités d'un quartier populaire et tout ce qu'il y a de compliqué et de bien. Et j'allais en vacances chez ma tante, je faisais du cheval chez ma tante. Ça m'a fait rire de dire ça dans cette. Ça m'a fait du bien. T'as ton galop combien? Hein? T'as ton galop quoi? Je sais pas, mais je te jure, j'étais chaud. On voit dans le clip d'ailleurs, si vous voulez aller voir le clip et voir comment j'étais chaud en cheval. Je fais un espèce de démarrage de. Et je monte à cru, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sel. Ah ouais, ceux qui. Un cow-boy quoi. Enfin, un indien, pardon. Un indien. C'est dur. Un indien, le mec. Non, mais sérieux, j'étais chaud. Et au quartier, c'était. Et t'as abandonné le cheval, bagarres, les compétitions, les trucs. Hein? Non, compétition, le cheval, tout. C'est... Non, parce que j'y allais que pendant les vacances. Il faut beaucoup d'oseille pour faire du cheval, ouais. Tu vois. Et donc, j'en avais pas. Donc, j'allais chez ma tante. Mais je faisais du saut d'obstacle, hein, tout ça. J'ai sauté 1m40 à l'obstacle avec un cheval qui s'appelait Rubens. On saura tout. Un étalon. Ah sérieux, c'était bien. Bon, This Is avec nous, voilà, toutes ces histoires de chevaux sont racontées sur le... Et pas que, il y a aussi d'autres trucs, vous retrouverez tout sur l'album Translucide, l'album est dans les bacs depuis une quinzaine de jours. Ouais. Vos réactions, allez-y, on vous a posé aussi la question sur les réseaux sociaux de Skyrock, quel est votre morceau préféré de cet album? Yes. Il y a eu beaucoup de demandes ce soir pour qu'on joue le morceau Banlieusard Syndrome. Ah bah, justement, pour moi, bon, ça tombe bien, Banlieusard Syndrome, c'est l'antithèse, ouais. Si on peut dire, de Complexité française. C'est-à-dire que Banlieusard Syndrome, c'est le premier titre de l'album. Et Complexité française, c'est, on va dire, le dernier. Pratiquement la fin. Voilà. Et en fait, ils se répondent, ces deux titres-là. C'est-à-dire que Banlieusard Syndrome, c'est le milieu dans lequel j'ai grandi. Donc, c'est quelque chose de très complexe, de très dur. Enfin, tous ceux qui vivent en Thèse, ils connaissent. Et voilà. Et donc, je pars de là pour arriver là. Mais bon. Donc, Banlieusard Syndrome est un titre très, très, très important aussi. Bon, ça a été le morceau, en tout cas, le plus demandé aujourd'hui. Vous continuez à voter. Hein. Demain, il y aura un autre morceau aussi. C'est sur les différentes pages de Planète Rap de l'émission, sur Facebook, sur les Mais Twitter, ça, etc. C'est le titre le plus demandé par ceux pour qui ont écouté. Par ceux qui, oui, bien sûr. Ah, voilà, d'accord. Pour ceux qui ont déjà l'album. D'accord. Sinon, c'est... Pour ceux qui l'ont pas, allez écouter et voilà. À moins que les mecs se sont dit, putain, le titre, il est bien. Banlieusard Syndrome. Ah, mais ça peut arriver. C'est des choses qui peuvent arriver. Ça m'est déjà arrivé, Fred. C'est vrai, sur quoi? Je sais pas, de voir un titre et de me dire, ça, je suis sûr que c'est bien. D'accord, ah, et parfois t'as été déçu, plutôt agréablement surpris. C'est qui? C'est 50-50. Bon, je pense que vous allez être, en tout cas, vous allez être vachement surpris par ce morceau une fois de plus. Et si vous connaissez pas encore, vous allez adorer ce morceau qui s'appelle Banlieusard Syndrome. Il arrive dans un instant. On va poser aussi une petite question puisqu'on file ton CD dédicacé. Yes. Donc Collector. Yes. Sans vous le dire tout de suite. Dédicacé à votre nom et tout par This Is. Mm-hmm. Petite, tu veux que je pose la question? Bah oui, vas-y. Tu veux la poser? Bah, comme tu veux. Bah, pose-la. Ok. J'ai envie de te dire. Alors, la question, c'est sur les réseaux sociaux, sous quel nom je communique? Ah. Voilà. Bonne question. Bah, eh bien, moi, allez faire un tour sur les réseaux sociaux, vous avez les réponses en 2 secondes, hein. Ouais, bah, on va voir. Il y en a qui vont s'emmêler les pinceaux, ça. Et bah, avec votre prénom, numéro de téléphone 41759 ou avec le hashtag This Is sur Skyrock, vous répondez à la question, vous repartez avec le CD dédicacé de This Is. On revient dans un instant? Yes. Bouge pas, c'est juste après ça le retour de This Is. Jusqu'à 21h, c'est Planète Rap, l'émission rap de référence. En premier sur Skyrock. Ce soir, Planète Rap spécial This Is. Avec This Is toute la semaine et l'album s'appelle Translucide. L'album est sorti il y a une quinzaine de jours. Allez vous procurer l'album de This Is. On peut l'acheter aussi légalement. Hein. Oui. On peut télécharger légalement. Oui. C'est important. Faut soutenir justement les artistes. Soutenir aussi en concert. Tu seras en concert mercredi. Bon, il y a plus de place. Non, ouais, là, ouais. Par contre, la bonne nouvelle, Amélie Loin, on vous l'envoie dans 10 jours. C'est le 27 mars du côté de Lille. Exactement. Allez voir d'ici. Après, il y a quoi? Il y a d'autres tournées? Il y a d'autres dates aussi ou pas? Tu me prends un petit peu au dépourvu. Je vais les préparer pour après. Tu les files après. Dans un instant, il y aura le freestyle par téléphone. La réponse à la question que tu as posée là juste avant la pub, ça y est, on en a des centaines de réponses. Ah ouais? T'es en train de dire que ma question était pourrie? La question, non, était simple. Très simple. En même temps, j'ai vu des trucs parfois en disant, ouais, This Is, sur les réseaux sociaux, ils utilisent Translucide. Ah? Non, ils ont pas compris. Non, mais bon. Pourquoi pas? Ouais. Non, là, c'est tout simplement la réponse à la question qui était la suivante. Quel est le pseudo utilisé par This Is sur les réseaux sociaux? C'est This Is FR. Et pourquoi This Is FR? Bah, parce que je vis en France. Voilà. Je veux pas mettre This Is US. Ce serait con. Ouais. Ou sinon, je ferais du rap français qui veut copier du rap carré. Donc là, c'est This Is FR. Allez le suivre d'ailleurs. Allez follow. Et la bonne nouvelle, tiens, This Is. Applaudissements que je vais faire tout seul. Ou s'il y a des gens qui veulent t'applaudir aussi. Ah, ils veulent pas m'applaudir ou ils t'entendent pas peut-être. Applaudissez-moi, wesh! This Is est entêté. Ah ouais? Et ah oui, tu es entêté. Je suis entêté. Tu es entêté. En Audi TT. J'ai pas vu la bagnole avec laquelle t'es caramba. Non, il paraît que tu prends le RER, toi. Bien sûr. Il paraît que tu prends. Entre autres. Ouais. Il paraît que tu prends tout. Non, mais je dis entre autres parce que aussi, des fois, je prends le métro. Ouais, normal. Mais t'as pas de plaque père impair sur la bagnole, quoi. Non, là, tu peux faire tout ce que tu veux. Non, mais en plus, hey, franchement, parce que tu sais, il y a un article dans Le Monde où c'était ça, This Is, le rappeur en RER. Ouais, mais c'est celui-ci. Non, c'est mais mes très sources. Cool. Ce sont mes sources. Franchement, c'est très cool. Mais c'est pas pour faire le José Bové du rap, hein, pour ceux qui connaissent José Bové. C'est Bové. C'est juste que, en fait, j'ai plus le permis. Ah, c'est donc, con. Ouais, j'ai t'as pas trop eu picolé au volant? Non, j'ai eu des excès de vitesse et quand Sarkozy se bat pas, il a pris le pouvoir, il a renforcé gaffe, les lois. Écoute, mec. Oh merde. Il a renforcé les lois sur le je sais pas quoi là, la sécurité routière. Et pour 3 km/h en plus, tu on t'enlevait un point et je l'ai pas vu passer. Voilà, c'est con. C'est vraiment couillon. Donc maintenant, mais je vais le repasser. Mettre au tramway tout quoi. Voilà, tranquille. Mais c'est bien, je croise des gens, tout ça. Des fois des petites photos. Ah ouais, j'aime bien ce que tu fais, truc. C'est cool. Bah ça fait plaisir. Non, c'est vrai que ça fait plaisir en plus. Quand tu croises des gens, la réalité est bien souvent différente. De parfois ce que tu peux lire. Exactement. Pas pour toi en l'occurrence, mais c'est vrai que souvent sur les réseaux sociaux, il y a une vraie différence entre le côté haine qui peut y avoir sur certains messages et la réalité dans. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. C'est sûr que j'ai jamais eu de message de haine comme peut y avoir sur Internet. Mais encore, moi, j'en ai pas beaucoup comparé à d'autres. Non. Mais il y a jamais un mec qui est venu et qui m'a dit ce qu'il disait en tweet, par exemple. En vrai. Bon, je pense qu'il serait pris une petite droite, par exemple, s'il disait en vrai. Voilà. Mais bon, mais voilà. Là, en l'occurrence, les gens t'aiment puisque tu es en TT. Donc c'est la bonne nouvelle. C'est cool, hein. Et bah continue avec le hashtag This Is sur Skyrock. Allez-y, balancez tous vos messages à This Is. On va écouter un morceau. Après, il y a du live qui se prépare aussi avec This Is. Ouais. À pas louper, le morceau s'appelle Banlieusard Syndrome. C'est un morceau qui a été le plus demandé par les auditeurs de Skyrock. Et qui est produit par Skred. Donc pour ceux qui connaissent, c'est l'architecte de Dorelsan ou Dorelsan. Du son. Et qui a fait tellement de sons, Skred. Ah ouais, non, il est trop fort. Il travaille avec Nesbill aussi. Booba, Diams, tout ça. Et moi, c'est la première fois que je travaille avec lui. On avait essayé pas mal de fois, mais on n'a pas réussi. Et là, on a réussi. Et ce qui est très important sur ce son, c'est qu'il a donné la ligne directrice pour le prochain album. Mais on verra ça plus tard. Ah oui, parce qu'il y a un prochain album. Bah, tu veux que je m'arrête? Je sais pas, trilogie. Bah oui, mais trilogie, c'était un truc. Maintenant, on passe à après. Mais oui, mais continue. Pour l'instant, c'est Translucide. Fais-nous des bons albums comme celui-ci. Translucide et dans les bacs, c'est This Is. Et le morceau Banlieusard Syndrome. Du poisson rouge, jaquette au sud, comme je rappe la thèse comme personne. À la cantine quand j'étais petit, à base de pop pop pop pop. Si t'en manges pas, tant pis pour toi, va faire du pop pop pop pop. Ils comprendront rien à ce texte, ces fils de lâche. Si tu viens pas d'un tiex, tu captes pas ce qui s'y passe. Les frères font du cash avec ces choses qu'ils cachent, ces choses qu'ils stockent, qu'ils gardent et qu'ils amassent. Lise superposé, ses petits frères en pyjama. Dors sur un paquet de sable, le pauvre fait des cauchemars. La mère se doute de rien, c'est dehors qu'elle fait le ménage. Dedans c'est la petite sœur, son cousin lui fait des menaces. Lui c'est le petit d'un grand qui lui est le petit d'un grand. C'est comme au bureau, la rue a son organigramme. Des villes, des départements, des quartiers, des clans. Le chef d'orchestre c'est la pauvreté qui organise les drames. Des petits dealers précaires se font presque la guerre. Petit chiffre d'affaires converti en Niker. Les autres rappeurs font des films, j'rappe des documentaires. En gros c'est des menteurs, MC metteurs en scène. La rue n'a rien de glamour, ça pue la merde. Les ados ne cherchent pas l'amour, ils cherchent l'hôtel. Passe de la mosquée au film porno, de l'église à la côte. Les études c'est pour les bolos, c'est des bêtises dans la côte. Ça tisse de l'alcool, ça tient le hall. Tellement qu'ils en oublient le goût de l'eau. Vraiment, rien de fancy, la rue c'est triste. La rue c'est crapuleux, c'est dangereux, c'est strict. Les joueurs c'est pas le tableau, même s'ils ont blanchi le traître. Un délinquant le devient, chaque fois qu'un keuf le traite. Aller au collège, la peur au bide. Peur de croiser des mecs armés de tournevis. Pour des embouts de merde, des raisons qu'on oublie. Dans certains cartables, y'a tout un tas d'outils. Et à chaque coin de rue, y'a un test. Alors tu portes le masque du mec de test. Et tu seras jamais à l'aise en dehors chez toi. Y'a peu de questions où tu réponds pas, je sais pas. T'es bipolaire, t'es schizophrène, tête. T'es parano. T'as le banlieusard syndrome. Et si tu connais que la merde, tu seras fier de la merde. Tu en feras ta valeur, la porteras en streetwear. Ils sont comme des ordis privés de carte mère. Ont du cœur, mais n'ont pas le software. This is avec ce morceau court. Ah, je m'auto-kiffe, je dis, je parle jamais comme ça, mais j'aime trop ce titre. Production Scred, d'ailleurs, des gens qui demandaient connaissent la connexion avec Orelsan. Parce que Scred produit principalement les sons avec Orelsan. Mais... Bah, les gens, je l'ai fait sur l'album Extra Lucide avec un morceau qui s'appelle Gogo Gadget. Bah oui, Gogo Gadget. Bon, bah voilà, il l'a fait déjà d'ici. Bah, allez écouter Extra Lucide et vous verrez qu'il y a un morceau avec Gogo Gadget. Avec le son de ce magnifique inspecteur Gadget. Ouais. Voilà, donc pour la question qui était posée, ça a déjà été fait. C'est désolé. Ça. Désolé. C'est ça. Mais peut-être. Peut-être que ça se refera, hein, pourquoi pas. Un autre jour, pourquoi pas. Ah oui. Qui sait. Bon, en attendant, celui-ci s'appelle Banlieusard Syndrome. On l'écoutait, il est sur Translucide. Dans quelques minutes, le live avec This Is à pas louper. Et juste avant, je te présente une jeune fille qui s'appelle Leslie MC de Reims. Allô, Leslie. Là, ah, Leslie. Oui, je suis là. T'es où? Bah, c'est moi. Ah bah oui, voilà, t'es à la maison, c'est bon, je t'avais perdu, c'est pour ça. Oui. Ça va en pleine forme? Oui, ça va. Je te présente This Is. Bonjour. Salut. Ça va un peu intimidé, Leslie? Qu'est-ce qui se passe? Non, pas du tout. Non, ça y est, t'es prête à rapper? Ça va, tranquille, ouais, je suis prête à rapper. T'es prête à kicker? Comment? Allez. T'es prête à kicker? Oui, oui, voilà. Et bah balance-nous ça maintenant en live dans l'émission. L-E-S-L-I-E. Un, check. L-E-S-L-I-E. Écoute. Un. Vu que je rappe comme je respire, il va le souffle, la réussite fera le boucan, les pétés projets en soum-soum. J'ai pas lancé sous les décombres, sur votre madame, je me suis construite, ouais. Tout va bien plus vite quand tu captes. Les gens confondent prendre la grossesse et gagner de l'assurance. Tu laisses tes cours à ta perte, tu qu'est-ce que mon endurance. Sors de ma bouche, comprends que mes paroles t'exécutent. Je suis la patronne de ton boss, je comprends que c'est moi qui recrute. Et des amants de décimer ce qui m'est nuisible. C'est juste récemment que j'ai commencé à être visible. Terroriste, psychopathe, raciste. Aucun état d'âme, on s'est fait sauter le caisson. Pour repartir du bon pied, j'ai dû changer mes démarches. J'ai pas attendu leur solde pour leur montrer que je me démarque. Ma parole se laisse démarque, y'a que la vérité qui blesse. Le... Ah, bah voilà, c'était tellement hardcore que ça a été auto-censuré direct, quoi. Bon, on a perdu en plus, c'était bien Leslie, on l'a perdu en cours de route. Bon, et bah bravo à toi, en tout cas Leslie, on a eu un bon petit aperçu de ce que tu donnais. Du côté de Reims, on va récupérer tes réseaux sociaux, on les balancera dans un instant à l'antenne pour suivre Leslie justement, qu'on avait en freestyle dans l'émission. This Is. Yes. Est-ce que tu es prêt à attaquer le live maintenant? Tout de suite ou je donne les dates de concert? Ah, les dates de concert c'est important. Bon, donc okay. On se prépare. Appelle tes musiciens d'ailleurs qui se préparent. Vous êtes prêts les gars? Ouais, ils sont toujours prêts. On va y aller, ouais. Ils sont nés ready. Ils sont ready. Alors, donc le 27 mars à Lille. Ouais. Le 28 mars au Havre. Donc à Le Havre. Le 29 mars à Jouy-le-Moutier. Le 4 avril à La Défense. Le 5 avril à Massy. Le 4... Ouh là là, attends. Avril, mai. Le 4 mai à Incourt en Belgique. Le 7 juin à Tours. Le 8 juin à Saint-Poix. Au Festival des Papillons de Nuit. Très bien. 27 juin au Solidays à Paris. Ouais, ouais. Le 28 juin à Sept-Monts. Je sais pas comment ça se dit, je suis désolé. Ah, c'est un festival Picard, c'est chez moi dans le Nord. Et le 4 juillet à Nord-sur-Èdre, Festival de la Nuit de l'Èdre. Le 20 juillet à Dours, au Festival de Dours, gros festival. Et le 21 juillet à Spa, au Francofolie de Spa en Belgique. Voilà, pour suivre un petit peu les prochaines dates de D6, là ça va jusqu'à l'été pratiquement. Mais Lille, le 27 mars, je vous attends, c'est dans 10 jours. À pas louper. D6, ouais. Est-ce que tu es prêt maintenant? Est-ce qu'on peut attaquer le live? C'est tout de suite là maintenant. Ah oui, bah, présente-nous un petit peu les musiciens qui viennent. Ah, voilà. On va présenter tout le monde. Alors en fait, sur scène, je suis avec une personne extrêmement forte et je suis très content de l'avoir rencontré. C'est la première fois que je travaille avec lui, qui s'appelle Danny Sainté. Danny Sainté. Et en fait, pour la petite histoire, Orelsan m'a volé mon batteur, Manu Diens. Oh, le savon. Donc je lui ai volé son synthé. Voilà, donc c'est Danny Sainté qui est avec moi maintenant, voilà. Et Manu Diens, bah il est revenu avec moi. Donc c'est Manu Diens. Et j'ai toujours mon pilier, Dave Devry, qui est avec moi sur scène. Donc on est trois, et puis il y a deux là, la lumière, Raph qui est régisseur. Mais bon, les gens ils s'en foutent de ces noms là, ils comprennent pas ce que ça veut dire. Mais en même temps, ils sont tous importants. Mais ils sont tous importants, ils sont tous importants. Mais régisseur par exemple, personne ne sait ce que c'est. Enfin, peu de gens. Voilà. Mais c'est pas grave. Tu veux faire un point sur le régisseur? Non, c'est bon, c'est bon. N'hésite pas. N'hésite pas à intervenir. Dave, il est là. Ouais. T'entends? Bonsoir. Bonsoir. Tout à fait, merci. Tu as vu cette voix incroyable en plus, parce que le gars a une voix aussi. Hein. Ah bah attends. Ça rigole pas. Hein. Il a un gabarit, une voix, c'est, il fait des instrus. Ah, ghetto, tout ça. On est prêt? On est toujours prêt, on est né prêt. Allez, coup d'envoi du live maintenant. This is. C'est sur Skyrock. Ah ouais. 1 Banlieusard syndrome en live. 1 Du poisson rouge à ghetto aussi, comme je rappe la thèse comme personne. À la cantine quand j'étais piste en base de popopopo. 1 Va faire un. Du popopopo. Ils comprendront rien à steak, ces fils de lâche. Si tu viens pas d'un tchex, tu capes pas ce qui s'y passe. Les frères font du cash avec ces choses qu'ils cachent, ces choses qu'ils stockent, qu'ils gardent et qu'ils amassent. Les superposés petits frères en pyjama dorment sur un paquet de save, le pauvre fait des cauchemars. Sa mère se doute de rien, c'est dehors qu'elle fait le ménage. Dedans c'est sa petite sœur, leur cousin leur fait des menaces. Lui c'est le petit d'un grand qui lui est le petit d'un grand. C'est comme au bureau, la rue a son organigramme. Des villes, des départements, des quartiers, des clans. Le chef d'orchestre c'est la pauvreté qui organise les drames. Des petits dealers précaires se font presque la guerre. Des petits chiffres d'affaires convertis en Nike. Les autres rappeurs font des films, je rappe des documentaires. En gros c'est des menteurs, MC metteur en scène. La rue n'a rien de glamour, ça pue la merde. Les ados ne cherchent pas l'amour, ils cherchent l'hôtel. Passe de la mosquée au film porno, de l'église à la coke. Les études c'est pour les bolos, les bêtises ont la cote. Ça tisse de l'alcool, ça tient le hall. Tellement qu'ils en oublient le goût de l'eau. Vraiment, rien de fancy, la rue c'est triste. La rue c'est crapuleux, c'est dangereux, c'est strict. Et je noircis pas le tableau, même s'ils ont blanchi le traître. Un délinquant le devient, chaque fois qu'un keuf le traite. Aller au collège, la peur au bide. Peur de croiser des mecs armés de tournevis. Pour des embrouilles de merde, des raisons qu'on oublie. Dans tout un cartable, y'a tout un tas d'outils. Et à chaque coin de rue, y'a un test. Y'a un test. Alors tu portes le masque du mec de test. Mec de test. Et tu seras jamais à l'aise en dehors de chez toi. Y'a peu de questions, tu réponds pas, je sais pas. T'es bipolaire, t'es schizophrène, peut-être. T'es parano. T'as le banlieusard syndrome. Hein. T'as le banlieusard syndrome. Et si tu connais que la merde, tu seras fier de la merde. Hein. Tu en feras ta valeur, la porteras en streetwear. Hein. Ils sont comme des ordi privés de carte mère. Les frères ont du cœur, mais n'ont pas le software. Ouais, ouais. Pour d'autres c'est la bouteille. Des compagnons de nuit, des compagnons de peine. Pour certains c'est la weed. Pour d'autres c'est la bouteille. Des compagnons de nuit, des compagnons de peine. Personne comprend rien parce que personne vit dans ton crâne. Mais y'a toujours quelqu'un pour te dire non, pas comme ça. tu contrôles plus rien. T'es à fond dans l'archétal. Y'a toujours un engraineur pour te dire viens, viens on fait ça. Tu dégrades de jour en jour et de nuit blanche en nuit blanche. Tu crois plus en l'amour, ton seul langage c'est la violence. Personne ne le sait mais y'a des raisons à tout ça. Et c'est trop lourd à porter, pourtant tu le garderas pour toi. Ça fait weed, oseille, fille, bouteille, stress, ego, haine, problème. T'en as plein le crâne et c'est trop dur à porter. T'en as plein le crâne et c'est trop dur de lutter. Donc demain j'arrête. Fuck. Ouais c'est ça j'arrête. Fuck. Ouais demain j'arrête. Enfin j'arrête fuck peut-être les problèmes. Donc demain j'arrête. Fuck. Ouais c'est ça j'arrête. Fuck. C'est sûr demain j'arrête. Fuck les problèmes. D'un revers de la main. Un jour j'ai tout balayé. J'ai appelé les miens. Les vrais. Je leur ai dit que je les aimais. J'ai dit fuck à tous mes ennemis. J'ai affronté mes problèmes. L'ego et le déni en tête de mon top 10. La fierté et la honte sont des sœurs jumelles. L'une t'éblouit, l'autre te fait de l'ombre. Coincé dans un tunnel. Pendant que mise des illusions dans des bouteilles en verre. Te fournit des munitions pour tirer sur tes rêves. Alors tu tires sur des joints jusqu'à assombrir le ciel. Juste le temps d'un son. Fuck les problèmes, ça fait. Ça fait t'en as plein le crâne. Et c'est trop dur à porter. T'en as plein le crâne. Et c'est trop dur de lutter. Donc demain j'arrête. Fuck. Ouais c'est ça j'arrête. Fuck. C'est sûr demain j'arrête. Enfin j'arrête. Fuck les problèmes. Donc demain j'arrête. Fuck. Ouais c'est ça j'arrête. Fuck. C'est sûr demain j'arrête. Fuck les problèmes. D'accord. Yeah, c'est d'ici sur Sky, translucide, translucide, translucide, translucide. Je suis en guerre contre moi-même, je suis un djihadjo. Travaille le cerveau et le cœur, j'ai un gros cardio. God damn, mon perrin, c'est du torboyau. Jusqu'ici, je le mouillais, maintenant j'enlève le maillot. Hein, ils sont obsolètes comme un format radio. Je vais écraser ces fils de lâche, ça fera des taches dans ma bio. Y'aura un avant, un après, l'écoute de ce morceau. Je suis noir et blanc, tigre albino, c'est je saute dans le cerceau. Sérieux, joue leur destin comme à la roue de la fortune. C'est les gamins sont pas homo, pourtant on les encule. Entre le marteau et l'enclume, je me fais comprendre de personne. Je suis souriant et gentil, mais tu te trompes de personne. Je fumerais bien ces mecs de test qui se la jouent perso. Ainsi que toute cette silique élite qui nous condamne dès le berceau. Et ce système me rend dingue, l'âme d'un guerrier me rend dingue. Donne-moi un sabre ou un flingue, je ferai un j'aime trop mon prochain. J'ai des alus, je divague, je pense à des trucs bizarres. Je suis le fruit de mon environnement, pas le fruit du hasard. Des rages j'en pleurais, fâché comme un enfant. Ce système me fait des attouchements depuis l'accouchement. Tu trouves mon discours victimaire, c'est que ta pensée est tyrannique. Envie de te dire comme Joe et Star, tu prends ta mère et tu la niques. Je suis un enfant de la batterie, je rentre au trans. Hey, lucide nos vies en France. Hey, bang, hey. Rive sous alias, de fond leur foule leur liesse, se rase la tignasse. On dirait un mauvais film avec un casting naze. Les MC se croient dans le game, le même en modèle réduit. Mon CD dans son fourreau, un gun dans son étui. J'y crois dur comme fer, mon cœur n'a jamais fui. Dis qu'ici c'est déjà l'enfer, mais dis-moi est-ce que t'es cuit. Et ça fait cœur gangster, cœur gangster, cœur gangster, cœur gangster. Ça fait cœur gangster, cœur gangster, cœur gangster. Manger, prier, prêt pour les guerres. Manger, prier, prêt pour les guerres. Manger, prier, prêt pour les guerres. On ne fait que manger, prier. prier, prêt pour la guerre. Que Dieu me pardonne, je m'en bats les reins de la mort de Ricard. De toutes ces marques de drogue engraissées par des smicards. Manipulé de A à Z, contenu par des flicards. La vérité est un soleil, je brûlerai comme Mika. Fils de paysans en picard et de pêcheurs refusent quoi. On va bientôt y aller, dis-moi, les autres ils disent quoi. L'argent est un moustique, il nous file le palu. Ton âme s'endort à petite dose pour des voitures en alu. Ton dieu c'est ton phallus, des DS casse. Pour un rôle de Minus dans le film du diable. Le bien un titan qui dort même si le mal est colossal. L'antidote c'est l'antidote qui est dans l'épine dorsale. La maison noire en maison mère, les mosquées en succursale. Petite ou grande salle, je fais des scores sales. À part ça, je suis pas le Barça, j'attends un autre Messi. De l'eau dans la vessie, volontaire et l'idée aussi, this is translucide, D-I-S-I-Z, ça fait cœur gangster, cœur gangster, cœur gangster, cœur gangster, tout le monde, cœur gangster, cœur gangster, cœur gangster, ok, manger, prier, prêt pour les guerres, manger, prier, prêt pour les guerres, ça fait manger, prier, prêt pour les guerres, on ne fait que manger, prier, prêt pour la guerre, ok, c'est sering. Je combats un cynisme, by any means necessary. Tueur en série, de MC ridicule. Je dois être un X-Men, j'ai le rap dans les molécules. Frérot, j'ai la Nia, je viens avec Maniac. Kawaker, gangster, pas anorak. Nike, trop de snake dans ce game, je suis paranoïaque. Mon rap soigne les hypochondriaques. Je vais pas rougir de mes héros, encore moins de mes prophètes. Guerre 2.0, D-I-S-I-Z, ok. Ouais, ouais, ouais. Merci, merci, merci, merci. À l'instant, en live, This is, grosse session live, hein. Terrible. Merci, merci. On va saluer une fois de plus, donc, ceux qui étaient avec toi aussi. Dany Sainté. Dany Sainté. Et Manu Diens. Manu Diens au SPD, à la batterie. Et Dave Do, dans tout le reste. En chef d'orchestre. En chef d'orchestre. Un peu, tout ça, ça fait du voilà, bien. Voilà, voilà. Et merci. Demain, il y aura encore du live. Et après-demain, encore et du live. Demain, et après. Toute après-demain. La semaine. Putain. On va se régaler voilà. Cette semaine avec This is, le hashtag This is sur Skyrock, tous vos messages, hein, t'as vu tous les messages qui sont revenants, tu pouvais pas lire parce que tu étais. Non, je pouvais t'étais pas, concentré je sur live, mais beaucoup, beaucoup de messages dans les tuiles, là. Cool. Et des gens aussi à Lille en disant, ah bah si c'est ça sur scène, j'y vais direct, je prends mon billet demain. C'est encore plus fort, c'est encore, ça. C'est pour encore... de vrai. Ouais, bah oui. Parce qu'il y a une vraie batterie en plus, c'est... il y a des lumières, il y a tout, enfin c'est bon. Il y a la totale, quoi. Et voilà. Bon, avant de faire tourner la roulette, est-ce qu'on se finit pas avec le morceau Kamikaze avec lequel on a débuté? Ah oui, j'aimerais bien. Et j'aimerais bien voir les réactions aussi, parce que Kamikaze, c'est juste un titre de fou. Et sur scène, il est très très dingue. Et bah, les réactions, c'est avec le hashtag This is sur Skyrock, avec les SMS 41759. This is, notre invité, c'est extrait Translucide. Oh! Je pense qu'à la fin de ce morceau, ce sera du grand n'importe quoi. Un nouveau morceau, nouveau flow. Je vais te le casser, te faut un nouveau dos. Un nouvel album, un nouveau logo. Tu veux que ça parte en pogo, j'ai tout ce qu'il faut. Saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, encore. Saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute. Saute, saute, saute, couplet. Tu dis que ton patron c'est un fils de lâche. Il fait faire des choses que lui ne fait pas. Mais tu sais pas ce qu'il te cache. Et que ses supérieurs lui font faire ce qu'ils font pas. Bureau ou usine, on taffe à la chaîne. Tu tiens à ton boulot donc tu tiens à tes chaînes. Et toute la semaine tu contiens ta haine. Comme un kamikaze, tu sautes tous les week-ends. K-A-M-I-K-A-Z-E. K-A-M-I-K-A-Z-E. Comment ça tu veux pas danser? Et mon cul c'est du KFC. Et mon cul c'est du KFC. Et mon cul c'est du KFC. Enfin. Saute pas, saute pas. Doucement, doucement. Saute pas, saute pas. Eh saute pas, saute pas. Du calme, les gars. Non, saute pas. Non. Là, tu sautes pas. Là, saute pas, saute pas. Saute pas. Un couplet. T'as envie de te barrer comme un haut danois. Tu veux prendre un billet pour Yokohama. Mais t'hésites depuis Fukushima. T'as plus trop de temps, du coup tu restes chez toi. Comme au McDo, tu veux pas lâcher le steak. Tu t'accroches à ton taf, tu t'accroches à ton chef. On est des kamikazes. On est tous givrés. On saute en concert pour pas le faire en vrai. Saute, saute. Saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, encore. Saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute, saute. Refrain. K-A-M-I-K-A-Z-E. K-A-M-I-K-A-Z-E. Comment ça t'as pas envie de danser? Et mon cul c'est du KFC. peu zinzin. Je suis un peu zinzin. This is avec Kamikaze, c'est extrait de l'album Translucide à l'instant, un morceau que t'aurais pu appeler aussi et mon cul c'est du KFC. Oui, c'est exactement. Non, parce que j'entendais souvent l'expression mon cul c'est du poulet. C'est vrai. Le KFC, c'est, voilà. C'est du poulet. Tu l'as mis au goût du jour. Sur ce morceau, Kamikaze à l'instant qu'on retrouve sur l'album Translucide. This is notre invité toute la semaine. Merci pour cette première belle soirée. Merci beaucoup. Avant de se quitter, on fait tourner la roulette. Avec plaisir. Skyrock t'offre tes places de ciné Captain America. Allô Samuel de Saint-Raphaël. Allô, allô. Ça va bien Samuel? Ça va et vous? Ça va en pleine forme? Ah, le soleil, on aimera bien. Tu connais This is? Bien sûr que je le connais. C'est notre invité, il est là toute la semaine avec l'album Translucide. Et toi ce soir Samuel, la roulette qui tourne et qui va s'arrêter dès que tu nous diras stop. Ça va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Captain America, le film qui va sortir. Tu y seras avec 4 de tes potes, il y a 5 places de ciné gratos, c'est pour toi. On t'envoie ça du côté de Saint-Raphaël. C'est de la bombe. Est-ce que je peux poser une petite question à Dici? Bah vas-y, vas-y, je pense que... Salut, c'est salut. Compte, hein. Allô, non, bien sûr que non. Vas-y, vas-y, on t'écoute. Je voulais savoir, lui qui a vécu en banlieue, j'aurais voulu savoir ce que tu donnerais comme conseil aux jeunes qui veulent se lancer dans le rap. Ah, jeunes qui veulent se... Waouh, comment te dire? Bah je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de moyens pour se faire connaître. Et je pense que le meilleur conseil que je te donnerais, bon déjà c'est de faire un son de ouf, mais bon là je t'apprends rien, mais que quand tu fais ton son tu penses déjà à l'image, parce que maintenant on associe beaucoup l'image et le son. Mmh. Et il faut pas que tu te contentes juste de faire un bon morceau, parce qu'un bon morceau sans un bon clip ingénieux c'est déjà très compliqué, donc pense vraiment à ça. Ça marche, ça marche. Et voilà. Je peux lancer une petite dédicace? Vas-y, vas-y Samuel. Petite dédicace à Papa, à Aurélie, à Sandra, à Manuela, à Lucica, à Jessica, à Lydia. À toute la map de Versailles. Eh ben ça roule, merci à toi Samuel à l'instant du côté de Saint-Raphaël, merci à This is. On aura demain les conseils du jour de This is, hein, ça continuera. D'autres conseils demain. Manger des pommes, manger des pommes. Et puis surtout l'album, hein, qui s'appelle Translucide, qu'on vous conseille évidemment, cet album le dernier de la trilogie. Exactement. En attendant un autre projet. Exactement. Alors, si t'as aimé Poisson Rouge, This is the End, si t'as aimé un peu tout ça, bah tu retrouves tout ça dans Translucide. Et tu vas même surkiffer celui-ci. Non mais c'est vrai. J'ai envie de dire. Bah je pense en tout cas. Ouais, je pense aussi. Moi je le kiffe. Mais bah merci This is. Demain le retour un petit peu avant 20h pour Planète Rap. Et il y aura des invités surprise demain. Ah. Mais c'est une surprise. Dis rien parce que c'est une surprise. Bah non. Donc rencard demain un petit peu avant 20h. Merci This is. Merci. On va retrouver D-Fool maintenant. Salut This is. Hello, salut, hello. Salut. Salut Fredo. Ça va? Eh bah oui, ça va et vous? On est en pleine très forme. Bien, très bien. Ça s'est entendu, on sera là demain d'ailleurs. Bah j'espère cool. Bien. Avec un conseil tous les jours, c'est pas mal. Ouais. On a les conseils pas chers maintenant. C'est on le, a le conseil de This is. On a le conseil de This is. C'est bien. Donc demain, faut être là juste avant 20h pour pas louper le conseil du jour. Et puis pendant une heure pour le nouvel album de This is sur Skyrock toute la semaine. Yes. Et bien yes. Merci à vous. Nous c'est parti là. Oui, c'est coup d'envoi. Ah ouais ouais, coup d'envoi là dans un instant. C'est parti avec vous tous, vous tout en direct, toute l'équipe, Jola Marie, Cédric. Ouais ouais ouais. Roman, Cédric, je peux pas le louper. Hein. Ah ouais non ça. Non, ça c'est clair. Romano, Karim, Momo, ouais. Samy. Yes. Eh dis donc l'équipe. Oui. Ouais. Qu'est-ce que t'as? Ah non, mais part de rire. Vous avez vu le site là, adopteunmec.com? Oui, vous avez vu qu'est-ce qu'il y a dessus? Vous êtes au courant? Ah là, non, mais c'est un truc de ouf. Vous êtes au courant de la nouvelle? Alors vas-y, explique, Fredo. Bah, en fait, je sais pas, on peut élire, je crois, on peut élire un mec ou choper un mec, c'est ça, non? Ils proposent une centaine de gars. Oui. Ouais, voilà, il y a des blogueurs, il y a des mecs de télé, des mecs de radio, des célébrités, on peut le dire. Et des grandes célébrités de la radio. Donc, D-Fool, évidemment, je pense que tu vas finir numéro 1, ça, j'en ai pas de doute. Non, mais il est dedans. Et oui, je sais que t'es dedans, bien sûr que t'es dedans. Ah, t'es dedans, toi aussi. Mais oui, il est dedans. Mais il y a le trio infernal. Romano, mon conseiller financier, Romano. Je suis dedans aussi. Romano et le bug, et Cédric. Donc, je pense qu'il y a un bug sur le site. Là, parce qu'on m'a envoyé un truc tout à l'heure où j'étais dedans. Ah, je savais pas que j'étais dedans, moi je me foutais de la gueule mais de Cédric. Si, t'es dedans. Je croyais que c'était une blague, moi. D'ailleurs, d'ailleurs j'ai voté pour toi, D-Fool. Oh, merci, je tiens à le dire. De salope. Merci. Moi, je voulais rameuter des votes pour moi. Il est pas dedans. Et il y a Cédric avec une tête magnifique. magnifique. Franchement, allez voir la ganache de Cédric juste pour ça, ça vaut le coup. Non, mais en plus, j'ai mon t-shirt là, tu sais, genre avec les explosions. Bah, on dirait surtout que t'es sur les chiottes en fait, la photo. Genre, il pousse. Elle est très belle. De con. Ah, je sais pas au courant, Mathieu. Merci de me la prendre. Ah oui, t'étais pas au courant. Non. En plus, j'adore ce genre de truc, Mathieu. Oui, en plus, je sais que t'adores. Non, mais allez voter pour moi, tu t'es sérieux. Ah, je me retrouve pas dernier comme un con. Voilà. Eh ben, là, ça serait drôle. Ah, non, mais c'est vrai, si vous voulez bousiller leur sondage, votez pour Cédric en fait. Tout le monde sur Cédric. Ah ouais, il faut voter pour Cédric pour bousiller leur truc. Hein. Ah, allez sur moi, putain. Allez cliquer sur Cédric. Quoi. Non, mais j'ai gagné tout à l'heure, je suis 34ème. Mais tu gagnes quoi en fait? Tu gagnes une meuf? Tu gagnes quoi en fait? C'est un mec, hein, c'est un vieux site où il y a 40 000 personnes qui les suivent. Donc... Ah ouais? C'est pas Adopte un mec? J'ai dégoûté. Non, mais c'est en assos, mais le site principal, c'est pas Adopte un mec. Ah, c'est quoi? Il s'est renseigné déjà. Ah, direct. Pour essayer de porter plainte. Cache, gros. Utilisation frauduleuse de l'image. Exactement. Bon, bah très bien, on va mettre 10-6 dessus aussi. Ah ouais, des barres de rire en tout cas, la photo de Cédric, franchement. Rien pour bousiller le truc, faut voter pour lui. Bon, bah merci en tout cas de la nouvelle, Fred. De rien. On t'en retrouve demain soir, juste avant 20h pour Planète Rap. On sera là. Et à demain. Ciao, et à demain, ciao. 10-6. Et là, c'est parti, Radio Libre, tout de suite sur Skyrock avec vous en direct, vous nous appelez. Vous envoie avec des célébrités. Ah oui, plein. Ah, bah, on est tous là, allez, c'est parti, on arrive tout de suite. Ciao. Et toi?